la recherche du temps perdu de Marcel Proust dessine un labyrinthe où la mémoire se mêle aux sensations à tel point que le nom de Proust, associé à une madeleine, évoque immanquablement une expérience de mémoire involontaire. Par son enquête méticuleuse liée aux souvenirs et aux sensations, Proust a-t-il eu des intuitions qui peuvent aujourd'hui trouver des explications dans des découvertes neuroscientifiques? Après l'abondante étude psychanalytique de l'œuvre, que peuvent nous dire aujourd'hui les neurosciences sur ce parcours de mémoire proposé par Proust? C'est donc dans le cadre du projet Proust, le podcast de France Culture, que la méthode scientifique part du côté de la recherche, l'autre, pour redécouvrir ce chef-d'œuvre au prisme des neurosciences. Proust et les neurosciences, la mémoire retrouvée, c'est la madeleine que nous allons tremper dans le thé aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cheminer du côté des souvenirs chez Proust, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Sersa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et coordinatrice du programme de recherche transdisciplinaire Proust Time. Nous sommes également en compagnie de Francis Eustache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuropsychologue, professeur à l'École pratique des hautes études, directeur du laboratoire INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine et vous êtes par ailleurs président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Mais avant d'entamer notre discussion du jour, il est l'heure de retrouver celle qui, telle la princesse de Guermantes, fait la pluie et le beau temps dans le grand monde de l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal par une étude parue dans la revue Nature Neuroscience, une étude qui a identifié les neurones qui nous rendent sociables. Oui, ou du moins les mécanismes neuronaux qui sont à la base de nos interactions sociales. Une équipe suisse a mené des expériences avec des rongeurs munis d'électrodes pour mesurer leur activité cérébrale. Les chercheurs ont appris aux souris que si elles appuyaient sur un levier, elles pouvaient avoir accès à une autre souris. Et il se trouve que lorsque les souris interagissent ensemble, les neurones dopaminergiques sont activés. Ce sont ces neurones qui produisent de la dopamine, un neuromodulateur qui est libéré chaque fois que nous sommes exposés à une récompense naturelle. La dopamine, cette hormone du plaisir, est une molécule importante parce qu'elle est à la base de nos comportements liés à la motivation. Cette étude apporte la preuve que les interactions sociales sont des récompenses naturelles au même titre que la nourriture. Camilla Bellonnet est professeure au département de neurosciences fondamentales de l'Université de Genève. Elle est la co-autrice de cette étude. Ce qu'on a vu, c'est que, comme pour des autres récompenses naturelles, il y a une activité des neurones dopaminergiques au début, quand la souris elle est exposée au congénère. Et à fur et à mesure, pendant l'apprentissage de la tâche, quand la souris apprend à presser le levier pour aller interagir avec l'autre souris, il y a un signal de prédiction de cette neurone dopaminergique. Ça veut dire que les neurones dopaminergiques ils sont activés pendant que la souris elle presse le levier et pas au moment en fait de l'interaction elle-même. Ça veut dire que la souris elle est capable vraiment de prédire, son activité neuronale est capable de prédire le fait qu'elle va recevoir les interactions sociales comme récompense naturelle. C'est exactement cette électrode qui nous permet vraiment de mesurer l'activité neuronale pendant que l'animal il est libre en fait de pouvoir interagir avec le congénère. Que ça nous permet au moment réel de mesurer l'activité des les neurones. On sait bien que dans beaucoup de maladies psychiatriques, comme par exemple de l'autisme ou la schizophrénie, les personnes sont atteintes d'un déficit des interactions sociales. Alors pour cette raison, c'est très important de comprendre les mécanismes neuronaux à la base des interactions sociales pour pouvoir après offrir cette connaissance pour développer possiblement en fait de traitements pharmacologiques, mais aussi pour en fait pouvoir aussi formuler des nouvelles hypothèses, parce qu'en fait encore aujourd'hui, c'est pas évident de comprendre pourquoi les patients sont atteints de déficit social. Notre étude, ça peut fournir vraiment une début pour une recherche sous le modèle animal d'autisme pour voir si à la base d'une altération de la motivation sociale, c'est une altération des neurones dopaminergiques qui à leur fois sont vraiment impliqués et importants pour signaler cette motivation sociale. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le Journal des Sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On passe au bref. Selon le laboratoire Moderna, on s'approche de la conception d'un vaccin à ARN messager contre la grippe. Oui, la plupart des vaccins anti-grippaux sont des vaccins à partir d'un virus inactivé. Mais fort de son expérience avec son vaccin à ARN messager contre le Covid-19, Moderna a adapté cette technologie contre le virus de la grippe. Dans un communiqué de presse, le laboratoire présente ses premiers résultats d'un essai clinique de phase 1 avec 180 personnes. Aucun problème de sécurité important n'a été observé et les participants ont vu leur taux d'anticorps augmenter. Un essai de phase 2 a commencé en novembre avec 500 personnes. Les résultats sont attendus début 2022. En bref, toujours, selon une étude parue dans la revue Nature Communications, en Sibérie, nous avons découvert une nouvelle source de gaz à effet de serre dans le pergélisol. Une équipe internationale a découvert dans les Yédomas sibériens, un type de pergélisol formé durant le Pléistocène supérieur, une nouvelle source de gaz à effet de serre, du protoxyde d'azote. N2O, aussi appelé oxyde nitreux. C'est le troisième gaz à effet de serre le plus important, après le dioxyde de carbone et le méthane. Le protoxyde d'azote est produit dans le sol par l'activité microbienne, et avec la fonte des Yédomas, les émissions de N2O augmentent. Dans l'ensemble, les conséquences de la libération d'azote du pergélisol sur les écosystèmes arctiques sont insuffisamment étudiées et restent mal comprises. Et enfin, le Massachusetts Institute of Technology, le prestigieux MIT, lance l'émission Venus Life Finder. Quelles sont ces anomalies chimiques détectées dans l'atmosphère de Vénus et existe-t-il une vie microbienne dans ces nuages? Pour répondre à ces questions, le MIT lance trois missions d'exploration. La première mission, prévue pour mai 2023, enverra la sonde Photon pour entrer dans l'atmosphère de la planète et pour repérer d'éventuelles molécules organiques. Une mission kamikaze puisque l'instrument sera détruit par l'acide sulfurique atmosphérique en seulement 3 minutes. Une deuxième mission, en 2026, va envoyer un ballon pour flotter au-dessus de ces nuages pendant 1 à 2 semaines. Et enfin, en 2029, pour la première fois, une sonde va capturer des échantillons de l'atmosphère vénusienne avant de les rapatrier sur Terre. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. La méthode scientifique, une fois n'est pas coutume, se met aujourd'hui à l'heure de la littérature, celle du temps perdu de Marcel Proust, dans le cadre du projet de France Culture, Proust, le podcast. Il sera question tout au long de cette heure de la place centrale qu'occupe la mémoire dans l'œuvre de Proust, mais aussi de ses mécanismes mis en avant par l'auteur et qui peuvent être relus aujourd'hui au prisme des neurosciences. Comment fonctionne cette curieuse faculté de mémoire qui dialogue en permanence avec l'oubli? Quels en sont les rouages neurobiologiques? Et que peut nous apprendre l'œuvre de Proust sur les mécanismes étranges de cette mémoire? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités Isabelle Sersa et Francis Eustache. Mais avant cela, j'aimerais vous faire entendre une archive. On y entend le romancier André Mauroy parler en 1948 de Proust, du temps et de la mémoire. Oui, tout s'efface, tout se délie, et la première moitié du temps retrouvé n'est qu'une peinture de cette tragique et automnale corruption de toutes choses. Les êtres que le narrateur a cru aimer sont redevenus des noms comme ils l'étaient au début, mais ces noms ne cachent plus aucun beau mystère. Les buts qu'il a cherché à atteindre, atteints, se sont évanouis. La vie, telle qu'elle s'écoule, n'est que du temps perdu. C'est une matinée chez la princesse de Guermantes, où il retrouve, grimés en vieillard, lui semble-t-il, les êtres qu'il admira dans sa jeunesse, qui lui révèlent plus clairement que jamais ce néant des vies humaines. Mais c'est là aussi que, par des groupes sensations-souvenirs, analogues à la petite Madeleine, quand, mettant le pied sur des pavés inégaux, tout d'un coup il voit paraître Venise, parce qu'à Venise il avait mis le pied sur deux pavés entre lesquels il y avait le même écart, c'est au moment où on lui tend une serviette raide et empesée pour se laver les mains et qu'il voit soudain toute la mer de Balbec envahir la bibliothèque des Guermantes, c'est par la rencontre de Mademoiselle de Saint-Loup, fille de Robert de Saint-Loup et de Gilberte Swann, jeune fille d'environ 16 ans, dont la taille élevée mesurait cette distance que je n'avais pas voulu voir. Le temps incolore et insaisissable, c'était enfin, afin que je puisse le voir et le toucher, matérialisé en elle, il avait pétri comme un chef-d'œuvre. pleine encore d'espérance, riante, formée des années mêmes que j'avais perdues. Elle ressemblait à ma jeunesse. Voilà la voix enthousiaste, émue d'André Mauroy, Isabelle Sarsa. Une réaction à cette archive qui pose un petit peu le décor de ces groupes Sensations Souvenirs dont on va parler dans l'émission. Oui, tout à fait. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que, au départ, en tous les cas, la réaction est un peu pessimiste avec le bal de tête, les invités, effectivement, sur lesquels le narrateur voit l'œuvre du temps, le temps qui promène sur les visages sa lanterne magique. Mais c'est quand même à la fin du temps retrouvé, avec les réminiscences dont il est question, c'est la victoire de tout de même de l'art sur le temps. C'est-à-dire que on parle de l'épiphanie du temps retrouvé parce que pour le narrateur, c'est quand même la révélation triomphale du pouvoir de l'œuvre d'art. Du pouvoir donc, supérieur voilà, et immortel c'est de l'œuvre voilà. d'art sur ses, par rapport à ces visages un peu de spectre Exactement. Qu'ont ces personnages dans tout le à temps fait. Retrouvé. Francis Eustache, une réaction à cette voix d'André Mauroy et à ses propos. C'est la présence du temps. Si je m'exprime en tant que scientifique. Tous les chercheurs qui ont commencé à travailler sur la mémoire ont introduit la notion du temps. Le premier chercheur, il est considéré comme tel, c'est Hermann Ebbinghaus. Ça se passe un petit peu à la même période que Proust, parce qu'il a travaillé à la fin du 19e siècle. Et en simplifiant la mémoire, il avait conscience de simplifier la mémoire, puisqu'il étudiait des syllabes sans signification, mais tout en ayant conscience que la mémoire est un processus extrêmement complexe. Donc il a décrit à partir de ces syllabes très simples la courbe de l'oubli. Donc le temps s'invite et s'invite donc l'oubli. Donc on a affaire à un triptyque en fait. La mémoire, quand on parle de la mémoire, on a en filigrane le temps et l'oubli. Ce qui est hyper intéressant et très très, disons, curieux, c'est que cette période du début du XXe siècle marque une révolution dans notre rapport au temps, avec la relativité générale d'Einstein, mais aussi les travaux de Bergson sur la durée et le temps. Einstein, c'est en 22 qu'il est venu au Collège de France, et on sait que Proust n'y était pas, mais un ami... La relativité restreinte, c'était 1915, donc c'était en plein pendant que Proust rédigeait La Recherche du Temps Perdu, donc il y a ce rapport au temps qui est bouleversé, ce rapport à l'inconscient aussi qui est bouleversé avec les travaux de Freud. Cette période-là est vraiment, du coup, tournée vers des révolutions de pensée. Isabelle Sarsa, est-ce qu'on peut dire que la recherche du temps perdu est tout entière une œuvre dont le matériau principal est la mémoire? Oui, je crois que le personnage central, on pourrait dire que c'est le temps ou bien la mémoire. Mais il y a une très très belle définition que Proust donne de la mémoire, c'est du temps incarné. Du temps incarné. Et là, on pourrait effectivement faire écho avec l'imagerie médicale qui montre que la trace mnésique, c'est quelque chose d'incarné. Donc, oui, pour faire écho à cette période, vous avez cité effectivement tous les grands noms, là, Bergson, Einstein, Freud. Freud aussi, l'inconscient qui ne connaît pas le temps. Enfin bon, on pourrait dire que effectivement, ces années-là, ce sont des années extraordinaires, même du point de vue artistique. Et que le temps, je ne sais pas si cela dit quelque chose, là, que la mémoire comme le temps incarné et l'oubli est défini aussi dans le temps retrouvé comme l'œuvre du temps. Alors, c'est juste pour rebondir sur ce triptyque, les notions sont entremêlées. Curieusement imbriquées, Francis Eustache, cette mémoire comme du temps incarné, ça vous parle en tant que neuroscientifique? Oui, et ça me parle à cette période parce que cette période, disons le tournant fin 19e, début 20e, dans nos disciplines en neurosciences, on parle de l'âge d'or de la mémoire, à savoir de l'âge d'or de l'étude de la mémoire. Donc il y a les auteurs que vous venez de citer, dans des disciplines très différentes, qui sont des personnes très influentes. Mais il y a aussi, par exemple, la découverte de l'engramme, vous voyez, les traces mnésiques, donc ces semons. Et puis, il y a tous les travaux de neuropsychologie. C'est vraiment le début de la neuropsychologie avec le syndrome de Korsakoff qui est décrit, c'est-à-dire différents types de mémoire, des souvenirs qui peuvent être explicites, mais au contraire des mémoires beaucoup moins prévalentes, des mémoires inconscientes qu'on va appeler progressivement implicites. C'est aussi à cette période-là qu'on fait ces découvertes qui sont essentielles. Et Alors, je suis pas historien de l'œuvre de Proust, mais Proust était en contact avec les médecins de cette époque, de la Salpêtrière et autres, et donc je pense que cette influence elle est aussi importante, et donc en fait cette synthèse il l'a fait à partir de sans doute de ces différents prismes, en y mettant évidemment toute sa force. Oui, parce que la rédaction de son œuvre intervient finalement après un 19e siècle qui a un petit peu biologisé ce rapport à la mémoire, et puis c'est un siècle marqué par d'évidentes découvertes en neurosciences, la découverte de la structure des neurones notamment, enfin c'est les prémices des neurosciences véritablement, et lui-même s'inscrit, Isabelle Cercha, dans cette démarche-là. Est-ce que Proust, lui, avait une espèce de rapport scientifique à son monde, à sa société, à son entourage, ou bien est-ce que il faut pas non plus trop tirer la corde, on est peut-être dans la méthode scientifique, dans un cadre un peu particulier? Non, je crois qu'on peut la tirer la corde. Tirons-la. Et à la table familiale, en fait, Proust entendait parler de médecine, puisque son père, Adrien Proust, est un grand médecin, alors plutôt dans la santé publique et dans, en gros, qui a mis au point la notion d'hygiène et tout ce qu'il... on en a reparlé d'ailleurs lors du confinement, etc., des travaux d'Adrien Proust. Et le frère de Marcel Proust, le petit frère de Marcel Proust, Robert, a mis ses pieds dans les traces de son père, parce qu'il est devenu un chirurgien réputé. Donc à la table familiale, on parlait médecine. Alors est-ce que la médecine est une science exacte? Ce sera d'ailleurs le sujet d'un deuxième épisode de la méthode scientifique consacrée à Proust, qui viendra plus tard en janvier. Bien. Oui. Bon, alors je peut-être qu'on déflore pas trop le sujet, mais on peut le suggérer. Non, je ne dis plus rien, mais vous me dites, voilà, comment se situe-t-il? Eh bien, déjà à la table familiale, effectivement, il entend parler de médecine, de Jeannet, etc. Ça, c'est très important pour lui. Et je ne pense pas on peut dire qu'il accorde beaucoup de crédit aux découvertes scientifiques, il suit les innovations techniques du progrès, etc. Il ne faut pas du tout en faire quelqu'un complètement reclus dans sa chambre de Liège qui ne sait absolument pas ce qui se passe. C'est vraiment pas ça. Il se renseigne beaucoup, il lit évidemment les journaux, il est au courant de ce qui se passe dans son monde. Francis Eustache, on va parler évidemment tout au long de cette heure de mémoire. Est-ce que c'est un concept qui aujourd'hui connaît une définition qui fait consensus? Si oui, est-ce que vous pourriez nous livrer cette définition? Et sinon, expliquez-nous pourquoi. Heureusement non. Sinon, on ne s'amuserait pas entre collègues et ce serait triste. On aurait des réunions tristes. Non, j'ai évoqué tout à l'heure les débuts, à savoir une réduction extrême, donc avec des syllabes sans signification qui sont apprises par une personne, donc sans signification, sans émotion. Et puis évidemment, progressivement, l'objet va devenir beaucoup plus intéressant, à savoir on va introduire les émotions qui peuvent devenir exacerbées dans certains cas, qui vont perturber la mémoire. Et puis on va pas simplement travailler sur des syllabes sans signification, mais progressivement sur une mémoire qui est autobiographique, donc qui est beaucoup plus complexe, qui renvoie à notre identité personnelle, qui nous permet aussi de faire des projets. Donc c'est le lien entre une mémoire tournée vers le passé, mais une mémoire aussi tournée vers le futur. Et puis peut-être pour faire le lien avec l'actualité scientifique, le premier article de Nature Neuroscience, c'est le lien avec les autres. À savoir que cette mémoire, c'est vrai que quand on pense à Proust, on pense surtout à une mémoire individuelle, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a aussi des textes qui renvoient à une mémoire collective. Et donc ça c'est une dimension qui est, je pense, très importante aujourd'hui, c'est que même en neurosciences, même si on s'intéresse à des individus, on va essayer d'intégrer une dimension plus collective de la mémoire, en faisant référence cette fois-ci à des auteurs qui viennent des sciences humaines et sociales, comme Maurice Halbach, par exemple, qui a écrit Les cadres sociaux de la mémoire, et là aussi ça nous rapproche un petit peu de Proust, puisque c'est 1925, hein, c'est pas si loin. Et les cadres sociaux de la mémoire, c'est tout acte de mémoire est un acte social. C'est-à-dire que quand je m'exprime, là je m'exprime à ce micro de France Culture, je ne vais pas m'exprimer de la même façon que dans un autre cadre. Et quand je reçois cette information, je la reçois aussi dans un cadre social. Et ce que je construis comme mémoire individuelle, parce que certes ma mémoire est différente de la mémoire de vous tous, c'est tout de même une mémoire qui est imprégnée par le cadre social. Et ça, je pense que c'est la dimension la plus intéressante aujourd'hui, enfin de mon point de vue, hein, des travaux sur la mémoire. Ça permet de relire des tas de situations, y compris des situations de souffrance, où la souffrance vient justement d'un décalage qui se crée entre la mémoire d'un individu et la mémoire qui se construit autour de cet individu. Et je pense que ça permet de réécrire, de comprendre à nouveau, notamment des syndromes psychopathologiques où on passait un petit peu à côté de l'objet en laissant de côté cette dimension interaction entre la mémoire individuelle et les mémoires collectives, parce qu'elles sont nombreuses. Mmh. Il y a les mémoires partagées entre les individus quand on échange avec des individus. Et puis il y a cette mémoire sociale qui se construit un peu indépendamment de nous. Et on va y venir bien évidemment dans un second temps de cette émission à cette imbrication entre mémoire individuelle, intime et mémoire collective. Mais avant ça, on va avancer dans notre histoire et dans notre relation à Proust, notamment autour de la mémoire, et on va voir un petit peu ses expériences de mémoire. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On avance donc dans cette émission de la méthode scientifique exceptionnelle consacrée à Proust et la mémoire. Isabelle Sersa, on a l'impression un petit peu quand on lit La recherche du temps perdu et quand on parcourt cette œuvre, que Proust est sans cesse tiraillé entre des expériences de mémoire volontaire, qu'il nomme comme des expériences de mémoire volontaire, et des expériences de mémoire involontaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette tension qui s'instaure entre ces deux aspects de la mémoire, entre guillemets? Oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire Francis Eustache et votre question, c'est intéressant de voir l'étymon tout simplement de mémoire, qui est memoria en latin. Et memoria au singulier, c'est à la fois les souvenirs et la faculté de se souvenir. Et memoriae au pluriel, c'est les monuments commémoratifs. C'est-à-dire, c'est justement cette dimension de la mémoire collective qui est à l'œuvre, bon, dans la mémoire individuelle. Et effectivement, Proust va s'intéresser... rien ne l'ulcérait tant que lorsqu'on disait que son livre était un recueil de souvenirs. Son livre était des mémoires. Vous voyez, mémoire, c'est aussi le mot par lequel on désigne un récit de vie, etc. Et cela l'ulcérait parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le fonctionnement, justement, pour répondre à votre question, fonctionnement de cette faculté qui est quand même très, très difficile à observer. Et c'est en ce sens, je crois qu'on peut dire quand même qu'il y a une révolution, que la recherche instaure une révolution romanesque, que d'ailleurs on pourrait dire qu'elle ouvre la littérature du début du XXe siècle, parce que précisément il s'intéresse à des choses, vous voyez, infimes, vraiment des mouvements de la conscience, alors évidemment aussi à une odeur, un reflet de soleil sur un toit, etc. Mais vraiment des phénomènes subtils, délicats, qui normalement ne font pas l'objet d'un roman, vous voyez, on est loin du roman à la Balzac. Et c'est le narrateur, tout au long du livre, se lamente parce qu'il n'a pas de talent, croit-il, pour écrire, alors qu'il ne rêve que de ça, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est justement, c'est traquer cette faculté, par exemple, qu'est la mémoire, mais aussi le sommeil, mais aussi la jalousie dans Albertine disparue. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail de réflexion, et c'est effectivement difficile de travailler sur soi, de saisir. C'est, par exemple, comment parler du sommeil, puisqu'on n'est plus là quand on dort, et comment parler de la mémoire. Alors justement, il va aborder la mémoire par, si vous voulez, par ses failles, on pourrait dire, par l'oubli, justement, ou le sommeil par l'insomnie. Et il va s'attacher à cette forme particulière de mémoire, pour répondre à votre question, qu'est la mémoire involontaire, qui, je crois, ne correspond pas à une catégorie particulière, faudrait voir si c'est la mémoire olfactive, etc. Mais il oppose effectivement au tout début de la recherche la mémoire volontaire qui a, dit-il, des contours plats, et la mémoire involontaire qui est fondée sur une sensation et qui va faire ressurgir effectivement le passé comme si on y était. Ça, c'est la mémoire autobiographique dont parlait Francis Eustache, et qui est fondée sur une sensation, qui est fondée, si vous voulez, sur le hasard, en fait, d'une sensation. Vous voyez, c'est le contraire de Pérec. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Ça, c'est, voilà, avec quand un Proust jeu. Quand Proust fait ça, il trouve que finalement, c'est une pratique un peu morte. Il le dit dans Du côté de chez Swann, quand il essaie de se souvenir d'une partie de sa maison, il se souvient que d'un pan et il dit, tout cela était en réalité mort pour moi. Donc c'est un petit peu comme si ses souvenirs étaient des êtres vivants, disparus. Ah, vous avez raison. Et à partir du moment où il se met dans une démarche de mémoire involontaire, là, pour le coup, il va suivre un fil beaucoup plus dynamique. C'est ça. Enfin, c'est vrai, c'est exactement ça. On peut même reprendre l'image que vous venez de donner, parce que au début de la recherche, tout le monde connaît, le narrateur évoque le baiser du soir, c'est-à-dire les soirs où sa mère ne venait pas le voir dans son lit pour lui faire le baiser du soir et qui était pour lui terrible parce qu'il n'arrivait pas à s'endormir. Et donc pendant longtemps, quand il revoit Combray, il dit « je ne revoyais que l'escalier, ma chambre, etc. » Et effectivement, lorsqu'il a cette expérience de réminiscence avec la Madeleine, qui fonde en fait l'ouverture de la recherche, c'est comme si vous voulez, comme sur une scène de théâtre, comme s'il y avait le rideau de fond de scène qui s'ouvre, et là on a toute la profondeur, les personnages, etc. Donc oui, c'est tout à fait cette image que vous avez prise. Francis Eustache, on parlait de cette distinction mémoire volontaire, mémoire involontaire chez Proust, qui n'a peut-être pas d'ancrage scientifique ou neuroscientifique particulièrement pertinent. En tout cas, si on se penche sur ce côté mémoire involontaire et ce qu'appelait André Mauroy dans l'archive qu'on a diffusé tout à l'heure, des blocs sensations-souvenirs, comment est-ce que, d'un point de vue scientifique, on peut expliquer qu'une sensation comme celle de la Madeleine, peut-être qu'on lira un extrait tout à l'heure de ce passage célèbre, comment est-ce que ça se fait qu'une sensation peut conduire à revivre un moment aussi précis, aussi détaillé dans le passé? Alors, ce sont des mécanismes qui sont maintenant en partie connus. Je ne dis pas qu'on explique le phénomène des petites madeleines, mais ce sont des phénomènes qui sont connus déjà d'un point de vue anatomo-physiologique, à savoir que l'olfaction et la gustation sont des sensorialités particulières qui sont en connexion directe avec ce qu'on appelle le système limbique qui est dans notre cerveau. Et c'est une région où sont associées fortement donc ces sensorialités, l'émotion et la mémoire. Donc en fait, c'est une entrée directe vers l'émotion et puis vers la mémoire. Donc ce qui expliquerait le fait que dans cet épisode de la Madeleine, ce qui surgit dans un premier temps, c'est une émotion donc qui est évidemment très très bien décrite, mais c'est pas directement la mémoire. La mémoire, elle vient plus tard. Et dans ce sens-là, c'est un travail qui ressemble un peu au travail des scientifiques. C'est-à-dire que le scientifique va essayer de comprendre les mécanismes de la mémoire. Et je trouve que dans ce passage, et dans d'autres, évidemment, le personnage central du livre, donc c'est pas comme un roman où il y a des personnes en chair et en os, mais le personnage central, ça devient ces mécanismes de la mémoire qu'il faut décrypter, donc et qui dans ce passage de la Madeleine, donc débute par une émotion et puis progressivement la recherche du souvenir, et c'est là que l'opposition volontaire involontaire n'est pas si simple, parce que il y a bien sûr des aspects involontaires ou inconscients. Il y a des mécanismes qu'il faut retrouver, il y a des perceptions, des représentations mentales, on dirait aujourd'hui, qu'il faut retrouver, mais c'est avec effort. En fait, la petite Madeleine, elle s'impose pas d'emblée, elle s'impose sur le plan émotionnel, mais le souvenir qui lui est attaché, et en fait, c'est un combat, quoi. C'est très difficile de récupérer cette petite Madeleine. Il faut quasiment 4 pages de la Pléiade, si mes souvenirs sont bons. Et bon, c'est quelque chose, quoi. Et c'est une œuvre magnifique, parce que il faut toujours garder ça en tête, quoi. Enfin, pour moi, si je relis ce passage, je le relis avec un plaisir qui est différent d'un plaisir d'un article scientifique, que j'ai aussi plaisir à relire des articles scientifiques. Mais c'est d'abord une œuvre littéraire. Et je pense que entre scientifiques, je peux dire oui, c'est une source d'inspiration, mais c'est aussi une source de communication avec les autres. Pouvoir s'appuyer sur un tel texte pour évoquer des travaux sur la mémoire plus moderne, c'est un vrai plaisir. Moi, j'aime pas le terme de vulgarisation scientifique. C'est vrai que quand on s'exprime et quand on parle à des personnes du grand public ou des jeunes dans les lycées, etc., j'aime pas ce terme-là, parce que je pense qu'on doit justement essayer de transmettre ce qu'on fait sans vulgariser, mais en médiatisant ce qu'on fait, en faisant comprendre simplement ce qu'on fait. Et quand on peut s'appuyer sur des œuvres d'un tel niveau, je pense que c'est gagnant pour tous, pour les littéraires comme pour les scientifiques.

le jeu, il est passif, quoi. C'est le souvenir m'est apparu. Et c'est pas je me souviens de Pérec. Donc, c'est ça, la mémoire involontaire. C'est quand même, effectivement, ce combat pour mettre le doigt dessus, mais le fait qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui remonte presque malgré soi. C'est lui l'acteur. Voilà, il est... C'est le souvenir d'actif, l'acteur. On appelle ça. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois bien aussi que dans ce passage de la Madeleine, il est question à un moment de la conscience. On parlait tout à l'heure de Freud. Proust lui-même a suivi une psychothérapie. Ce sont des questions qui sont éminemment vivantes. En ce début du XXe siècle, on parlait tout à l'heure de révolution scientifique. On peut parler de révolution littéraire avec Joyce, Virginia Woolf aussi, où la conscience est au cœur de la pratique littéraire. Est-ce que la notion d'inconscient est présente dans l'œuvre de Proust et quel lien elle peut avoir avec la mémoire, Francis Eustache? Les deux sont intimement liés. Oui, dans l'œuvre de Proust, je laisserai Isabelle Sersa commenter, mais disons que c'est une période où la mémoire ne se réduit pas au souvenir. Tous les chercheurs de l'époque l'admettent, même si certains vont se concentrer sur le souvenir. J'évoquais tout à l'heure le syndrome de Korsakov. Korsakov, c'est un grand chercheur russe, un neuropsychiatre, qui montre que ses patients, donc qui ont un syndrome amnésique, donc un oubli massif, qui ne peuvent pas enregistrer de nouveaux souvenirs, ont une mémoire inconsciente qui fonctionne très bien. Très bien, enfin... En tout cas, qui ont un comportement qui est modifié par les expériences qu'ils vivent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très prégnant. Il y a aussi d'autres chercheurs en Europe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Suisse, qui montrent ces mécanismes avec des tâches de plus en plus expérimentales. C'est là qu'on va parler de mémoire implicite. C'est-à-dire que dans certains cadres, les personnes sont capables d'évoquer des informations, y compris à leur insu. Donc, et je pense que Proust est de cette époque. Son père était hygiéniste, mais il avait beaucoup de liens avec les neurologues. Il a même écrit des textes de neurologie. Il connaissait les grands syndromes neurologiques, neuropsychologiques qui ont été... Parce que la neuropsychologie est vraiment née à cette époque. Et y compris avec... cette opposition entre mécanisme conscient, mécanisme inconscient, qu'on les appelle comme ça ou autrement, ça revenait toujours un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on fait un effort délibéré de mémoire et conscient de mémoire, ou au contraire, des manifestations qui surviennent à notre insu. Donc, le génie de Proust, c'est de mettre tout ça... en décryptant les mécanismes qui n'étaient pas forcément encore parfaitement décrits sur le plan scientifique. C'est ça qui est aussi très intéressant. Il y a cette espèce de, je ne vais pas dire d'intuition, parce que c'est un terme qui n'a pas de sens, mais il y a en fait cette primauté de l'œuvre artistique. Parce que le scientifique a besoin de contrôler des tas de choses. En quelque sorte, il va moins vite que le génie créateur de l'artiste. Ouais. Isabelle Sersa. Mais pour la notion d'inconscient, juste, je pense que le terme y est dans la recherche. C'est pas le sens que lui donne Freud avec la trilogie, bien moi sûr. Ça sur moi, etc. Mais donc d'un côté, c'est sûr, il s'intéresse au subconscient, par exemple le fameux début, longtemps je me suis couché de bonheur, tout le monde connaît la phrase, mais alors après, ce qui suit, c'est complètement perché, c'est des hallucinations hypnagogiques, exactement ce qu'on a quand on s'endort et qu'on se réveille. Ouais. Le subconscient, peut-être, quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, les personnages, l'analyse des personnages, par exemple Albertine, eh bien, elle est fondée sur les lapsus, sur les actes manqués. C'est vraiment une analyse clinique, au sens fort du terme, qui rejoint parfaitement celle que fait Freud. Alors, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ont 15 ans de différence, mais vous voyez, ils sont vraiment quand même très proches, l'un en littéraire et l'autre en scientifique. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Francis Eustache, moi aussi je crois effectivement que la littérature a un caractère avant-coureur, mais ce que je veux dire, c'est il me semble qu'elle met en mots, en fait, des phénomènes, peut-être des intuitions, je sais pas, moi j'ai rien contre le terme, mais des phénomènes que les scientifiques n'ont pas encore tout à fait modélisés. Et donc, cette mise en mots, c'est crucial en fait. C'est crucial d'arriver à mettre en mots des phénomènes ineffables, justement par définition, ou indicibles, qui sont difficiles à mettre en mots. Et c'est ce à quoi s'attache Proust avec ses expressions comme du temps incarné, alors aussi avec les métaphores, les images, etc. Mais on peut penser que la littérature, c'est ça. C'est pas simplement, vous voyez, un réservoir de belles images pour illustrer tel ou tel résultat. Ça peut être aussi heuristique, quoi. Ça peut faire penser. Ça peut épauler la recherche. Mais restez avec nous parce qu'on va poursuivre justement dans un instant ce travail et ce dialogue entre littérature et recherche autour de l'œuvre de Proust. Ce sera juste après ça. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche par Jeanne Moreau dans La méthode scientifique sur France Culture, une méthode scientifique qui se met aujourd'hui à l'heure de Marcel Proust dans le cadre du projet de France Culture, Proust le podcast. Nous parlons tout au long de cette heure donc de la mémoire dans la recherche du temps perdu et de ce que les neurosciences ont à nous dire sur ces intuitions entre guillemets de Proust vis-à-vis de la mémoire. Nous en parlons avec Isabelle Sersa, professeure de littérature à l'université de Toulouse Jean Jaurès et coordinatrice du programme de recherche transdisciplinaire Proust Time. Nous sommes également en compagnie de Francis Eustache, neuropsychologue, professeur à l'école pratique des hautes études, directeur du laboratoire INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine et président du conseil scientifique de l'observatoire B2V des mémoires. Alors si on a mis « J'ai la mémoire qui flanche », c'est un petit peu téléphoné, Francis Eustache. Heureusement, on ne se souvient pas de tout, sinon on deviendrait fou. On peut peut-être expliquer, alors on n'a pas malheureusement trop de temps devant nous, mais par quel mécanisme un souvenir s'ancre, disparaît, revient. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles on a des explications un peu plus claires aujourd'hui? On a des explications, mais c'est certainement une des thématiques les plus difficiles. Parce que la mémoire, c'est la mémoire humaine, si on se restreint à la mémoire humaine. Je ne vais pas parler des animaux, je parle uniquement de la mémoire humaine. C'est très différent de la mémoire informatique, par exemple. Puisque cette mémoire, elle est disponible à tout moment en fonction de la situation présente. Et en fonction de la situation présente, eh bien, je vais mobiliser des éléments de connaissance générale, certains souvenirs dans certains cas. Donc les souvenirs, c'est beaucoup plus précis que les connaissances. C'est-à-dire que c'est un événement situé dans le temps, situé dans l'espace, avec une émotion particulière. Parfois, ça va être un souvenir très lointain, que je n'avais pas évoqué depuis très longtemps. Alors, ça ne veut pas dire que ce souvenir, c'est une copie conforme de la réalité inaugurale, mais il faut quand même que ça s'en rapproche. Il faut à la fois que cette mémoire soit capable d'oublier certaines choses ou de passer à l'arrière-plan, parce que le terme d'oubli est aussi polysémique. Mmh. Donc il faut que cette mémoire puisse évacuer un certain nombre d'éléments, mais puisse également mobiliser un certain nombre pour avoir une bonne mémoire, une mémoire efficace, une mémoire qui fonctionne, et une mémoire qui renvoie à qui je suis. Et pour cela, donc... J'ai besoin de transformer des souvenirs en connaissances plus générales, même en savoir-faire, donc en perdant la source initiale, mais j'ai besoin aussi de souvenirs avec la source initiale, c'est-à-dire des souvenirs qui vont me définir. et qui sont souvent choisis. Alors choisis, là aussi on retrouve le conscient inconscient, parce que tous les jours je ne décide pas de choisir tel ou tel souvenir. Hein, ça se fait en partie à mon insu. Et d'ailleurs beaucoup pendant le sommeil, hein, c'est vrai que Proust parle aussi beaucoup du sommeil, il a certainement perçu cette importance du sommeil dans ce qu'on appelle aujourd'hui la consolidation. Ma mémoire, elle est consolidée progressivement, et quand j'évoque un souvenir, je le reconsolide à nouveau. Donc on a un petit peu le vertige quand on dit ça, parce qu'on a l'impression que ça bouge sans arrêt, et qu'est-ce qu'il en reste au bout du compte? Et pourtant, c'est le côté merveilleux, au sens propre, hein, au sens fort du terme, c'est le côté merveilleux, c'est que finalement, ça marche relativement bien. Bon, il y a des bugs de temps en temps, il y a des mots qui viennent pas, etc. Mais c'est un petit peu accessoire. Et quand on a la chance d'être en bonne santé, quand on n'a pas une maladie de la mémoire, c'est tout à fait merveilleux. Alors, on commence à comprendre ces mécanismes-là. Il y a des théories, il y a différentes théories. Certaines sont fondées sur des arguments neurobiologiques, mais on a encore énormément de choses à découvrir dans ce fonctionnement normal de la mémoire. Donc à différents niveaux, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que on décrit la cognition, les aspects comportementaux, etc. On décrit les grands systèmes cérébraux qui se synchronisent, qui s'activent, qui se synchronisent. Ça, c'est le renouveau de l'imagerie cérébrale qui apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et Isabelle Cersa, tout à l'heure, parlait du temps incorporé. C'était un peu un clin d'œil. On peut penser que si Proust était aujourd'hui avec nous, il serait fasciné par ces découvertes. Et puis par les découvertes aussi, quand on descend au niveau cellulaire, moléculaire, où là aussi on essaie de comprendre les mécanismes, notamment toutes les informations qui sont échangées au niveau des synapses. Et donc la mémoire aujourd'hui, c'est tout ça, vous voyez, c'est essayer d'avoir cette vision d'ensemble en incorporant, comme je le soulignais tout à l'heure, les aspects plus collectifs. À savoir qu'une mémoire, elle fonctionne pas seule, elle a pas de sens. La mémoire, elle est aussi faite pour communiquer. C'est parce que j'ai une mémoire que je peux répondre à vos questions. Si je n'avais pas de mémoire, je pourrais pas répondre. C'est une fonction essentielle de la mémoire. Isabelle Cersa, j'évoquais dans la question que je posais tout à l'heure à Francis Eustache cette notion, ce corollaire de la mémoire qu'est l'oubli. Est-ce que l'oubli dans La recherche du temps perdu de Proust a une fonction centrale, tout autant que la mémoire, ou bien est-ce que c'est quelque chose que fuit un petit peu le narrateur qui cherche justement à reconstruire, à retourner un petit peu sur le chemin de son passé, le chemin de son enfance? Pour lui, l'oubli est vraiment, c'est comme l'avers et le revers de la mémoire. L'oubli est un des constituants fondamentaux de la mémoire, et il y a un passage donc qu'on n'aura pas le temps de lire, où il analyse ce qui se passe quand, c'est une expérience que nous avons tous vécue, quand nous cherchons le nom de quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant comme exemple de mise en mots de ces phénomènes justement subtils, c'est-à-dire qu'on sait qu'on connaît le nom, mais on ne met pas la main dessus. Et ça, c'est une différence que font les neurosciences entre l'oubli définitif, où la trace mnésique a disparu, et ce que vous appelez le défaut de rappel, c'est-à-dire que la trace est là, mais la voie pour y aller n'est plus là, ou n'est plus pratiquée. Et effectivement, là, il y a des mises en mots de la part de Proust qui sont extraordinaires d'exactitude, on pourrait dire, scientifique. Par exemple, il dit « Qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas ?» Oui, ça paraît une question complètement énigmatique, mais en fait, un souvenir qu'on ne se rappelle pas, c'est peut-être précisément un souvenir, une trace mnésique à laquelle on n'accède plus. Et il parle aussi de voix qui s'arrête en pleine friche quand il repense à Albertine des années après qu'elle est morte. Comme si, vous voyez, toujours pareil, comme s'il y avait cette intuition, en fait, de phénomène d'oubli, que vous distinguez, que les neurosciences distinguent, et donc quelque chose d'exact, quoi, dans la mise en mots. Alors, comment on peut justement distinguer l'oubli définitif de ce défaut de rappel que mentionne Isabelle Cersa, Francis Eustache ? Alors, il y a l'exemple qui est évoqué tout de suite, ce qu'on appelle le manque du mot, hein, c'est-à-dire qu'on c'est généralement un mot propre, un nom propre, un nom pas très courant. Et d'ailleurs, Proust a très bien saisi la difficulté. C'est un nom qui n'est pas courant, et donc si on cherche à tout prix à retrouver ce nom, on peut pas retrouver, parce que ça veut dire qu'on est sur une mauvaise piste. Donc il faut, en termes simples, il faut laisser tomber. Et c'est amusant parce que il écrit et tout d'un coup il revient justement quand on fait autre chose. Et alors c'est un souvenir particulier, enfin ou une mémoire particulière plutôt qu'un souvenir, parce que on a vu dans la Madeleine qu'il y a vraiment une recherche qui est assez efficace, c'est-à-dire que il y a des échelons qui sont franchis au fur et à mesure. C'était un tableau qui était flou et qui se clarifiait progressivement. Ouais. Et ça, on le voit bien avec l'encre qui arrive. Enfin, il y a des images magnifiques. Alors que pour le manque de mots, c'est différent. Le manque du mot, il faut pas faire ça. Il nous dit, non, il faut sinon pas faire on devient ça. Fou. Non, c'est assez amusant parce que c'est presque de la rééducation, vous voyez. Parce qu'il y a des patients aphasiques, hein, qui ont ce manque du mot exacerbé, parce que le manque du mot, ça peut être tout à fait banal. Mmh. On a tous un manque du mot, surtout si on est fatigué, etc., ou si on s'est couché tard. C'est pour ça que c'est intéressant. Quand on lit Proust, c'est une expérience que chacun. On a les différents mécanismes qui sont décrits, donc c'est vrai que c'est assez fascinant. Isabelle Sersa, le temps avance et on n'a pas le temps de le perdre, malheureusement. On évoquait un peu en filigrane tout au long de cette émission, cette notion de mémoire collective. Est-ce que là aussi, Proust, dans la rédaction de La Recherche du Temps Perdu, entre 1900, aidez-moi, le début, et 1922-23, il y a quand même accessoirement la Première Guerre mondiale. Est-ce que Proust va être durablement marqué par ce conflit mondial dans son écriture, lui qui n'a pas été à la guerre, lui qui est resté à Paris souffrant, comment la mémoire collective s'insère-t-elle dans ce travail de mémoire intime qu'est La Recherche du Temps Perdu? Alors c'est vraiment une très bonne question parce que souvent on insiste sur la mémoire individuelle, le fond, le plus artésien, etc. chez Proust, alors qu'effectivement il y a une place qui est faite à la mémoire collective. Il y a ce passage où il parle du repas à la table familiale où les personnes évoquent des souvenirs, partagent des souvenirs. Sous le verre grossissant de la mémoire. Et donc là, on voit bien comment les souvenirs sont modifiés. Et pour revenir à votre question, la Première Guerre mondiale est très présente, effectivement, dans la recherche. Et Proust lui-même, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se tenait tout à fait au courant. Donc, cette mémoire collective, elle est présente. Mais c'est vrai que quand on parle de mémoire individuelle et mémoire collective, l'exemple de littérature qui vient en tête, c'est celui d'Annie Ernaux avec Les années, où elle tricote vraiment les deux, mémoire individuelle et mémoire collective. Et c'est le projet même du livre, vous voyez, de faire une autobiographie, comme elle dit, impersonnelle, ce qui est quasiment un oxymore. Et elle veut rendre compte à la fois d'un trajet individuel, mais inscrit dans une époque. Et Annie Ernaux est d'une certaine façon la continuatrice ou l'héritière de l'œuvre de Proust, Francis Eustache. Oui, j'ai trouvé le texte transmis d'ailleurs par Isabelle Sersa sur ce repas. Très intéressant. Et le verre grossissant de la mémoire. Sur la guerre 14, parce que on voit donc cette mémoire partagée et donc collective. Et en fait, c'est une image pour, enfin, moi je l'ai compris comme ça, pour la création de la mémoire individuelle. Donc cette mémoire individuelle qui prend des bribes un peu disparates et qui crée un récit. Mmh. Donc je trouve que ce passage est très intéressant, très éclairant sur la conception en fait de la mémoire de Proust, qui est une conception extrêmement moderne. C'est ce que disait Proust même lui-même des nations, des grands collectifs d'individus. Il disait qu'ils réagissaient finalement comme des individus en soi. Et là, finalement, c'est juste un changement d'échelle, mais le fonctionnement est le même entre mémoire collective et mémoire individuelle. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans cet événement de la Première Guerre mondiale et qui fait écho un petit peu au travail que vous menez, Francis Eustache, c'est que là, on parle d'une mémoire traumatique quand même, d'événements violents qui vont s'ancrer d'une autre façon qu'un mémoire aussi agréable qu'une Madeleine. Par exemple, trempé dans du thé. Oui, et je voudrais citer un auteur, ce qu'on vient de citer Annie Ernaux, c'est Modiano. Le Modiano est aussi le grand maître de la mémoire. Et oui. ce qu'il écrit ou ce qu'il lit dans son quand il a reçu le prix Nobel, je crois que c'est en 2014, hein, si mes souvenirs sont bons, ça rejoint ce problème du traumatisme parce que il parle d'une époque. Il est né juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et justement il parle d'une mémoire qui est difficile à transmettre. Et là, en disant ça, je pense qu'on touche bien à la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, justement, c'est pas une mémoire qui est construite comme la mémoire de Proust, hein, qui parvient à en décrypter les moindres détails, mais ce sont des éléments disparates de mémoire. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme, c'est le travail que l'on mène tout de suite avec Denis Péchanski sur les attentats du 13 novembre, 2015, oui. où on essaie justement de repérer ces souvenirs traumatiques, ces bribes de souvenirs traumatiques, et comment on peut venir en aide aux personnes qui souffrent de ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique, et comment l'éclairage de la mémoire collective peut contribuer au mieux-être de ces personnes. Isabelle Sersa, l'heure avance et il va bientôt être l'heure de plier boutique, mais on a encore un peu le temps de parler de Proust et notamment de ce travail collectif que vous menez, Proustheim, qui met justement en relation des scientifiques dits de sciences dures, entre gros guillemets, et des sciences humaines. Quel est le sel et quelle richesse vous trouvez justement dans ce dialogue-là autour de l'œuvre de Proust? On ne s'attend pas forcément, à ce dialogue-là. Alors effectivement, juste pour préciser Modiano, ce qui est intéressant, c'est que tous les écrivains de mémoire ont été marqués par Proust. Mmh. Mais en gros, là je vais faire vite, Modiano, c'est plus le perdu que le retrouvé. Oui. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'épiphanie triomphale, etc., c'est fini. Oui. Là, on met pas le doigt sur le. On est plus dans l'oubli. On est Modiano, plus. Modiano, vous voyez. Ouais. Ça, c'est il le dit bien dans son discours. Oui. Hein, non, mais tout à fait. Très tout beau à texte. Fait. C'est intéressant de voir ça, quoi. Qu'on est. Alors, simplement. Mais par ailleurs, Proust... il dit que le travail de mémoire est un travail indissociable du travail du romancier. Donc, il y a quand même cet effort premier. Mais c'est cette tension-là aussi. Le travail du romancier, mais Ricoeur, vous voyez, l'identité narrative qu'on se construit en se racontant quelque chose, c'est ce que fait le romancier. Et nous-mêmes, c'est pareil. Notre mémoire, on se l'invente ou. Enfin bon. Alors pour revenir à Proustheim, c'est effectivement l'idée, c'est penser le temps. Bon déjà, c'est un petit concept, une gageure on va dire. Et avec Marcel Proust, et effectivement, j'ai recruté une fine équipe où il y a une historienne, une linguiste, un plasticien, enfin, il y a vraiment des gens très différents, physiciens, spécialistes de géosciences, de neurosciences. Et l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, de mettre la littérature au centre de la table, comme un répertoire d'images qui vont nous aider à penser, pour faire vite, quoi. Parce que moi, vous voyez, quand le physicien, il fait une équation au tableau, j'ai beaucoup de mal à suivre. Et donc, on a dû inventer un langage commun pour pouvoir se comprendre. Et en même temps, on peut pas raconter n'importe quoi. Vous voyez, nous, les littéraires, y en a qui aiment bien parler de théâtre quantique, etc. Mmh. Mais bon, on sait pas trop ce que c'est, mais ça... Tandis que là, chic, oui. Et oui, mais là, il y a le physicien qui dit non, il y a l'historienne qui dit bon. Et donc, l'idée, c'est d'écrire une sorte de dictionnaire foutraque, un dictionnaire Proustheim, auquel Francis Sachs a bien voulu participer, avec des entrées, vous voyez, comme échelle, rythme, etc., des notions qui sont écrites à deux, sciences, comme vous dites, dures, et SHS ou littérature. Et c'est pas facile. Mmh. C'est pas facile, mais bon, le pari, c'est ça. Et on suivra évidemment avec attention les résultats de ces travaux. Merci infiniment à tous les deux, Isabelle Sersa, Francis Eustache, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure consacrée à Proust. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la réalisation aujourd'hui, c'était Véronique Samouilov, à la technique Jean-Guilain Meige. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission et l'ensemble du projet Proust, le podcast, sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.